Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Mais Angèle, j'en étais sûre. Chaque fois qu'il y a une connerie à dire, elle est pour toi. C'est une bêtise de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est voilà. Je n'ai pas autant de facettes que ma barbatin. J'essaie de ne pas m'éparpiller, c'est difficile vu les objectifs à atteindre. Mais ça galope donc je perds pas de temps. Ma part drève, ma part tiens, le reste n'est que passe-temps. Parpin par parpin, les édifices se bâtissent. Mais parmi les entrepreneurs, combien compatissent? La sueur coule de plus belle. De toute manière, on est tous divisés en castes et encastrés dans des cases depuis belle. Tu crois déroger à la règle, mec, tu te mets le doigt dedans. Et c'est pas que j'aime pas les psychologues, mais mêle-toi de tes. Tu parles d'une entrée en matière dans de telles conditions, dans les missions qu'on nous propose, ma terre. Ma détermination se lit mal sur moi. Tu sais si quand j'entre en pratique, se mettre des barrières, je trouve pas ça si ridicule en tant qu'artiste. Ici, déceler les émotions factices, c'est aussi chaud que se méfier de la pensée unique sans prendre parti. Et je n'ai pas de formule secrète, chacun sa façon de gérer à peu près à quelle situation, quelle réaction se prête. Dans ce domaine, y'a pas d'arithmétique. En attendant, je m'applique à faire rythmer le pic. J'avance mètre par mètre, comme un vietminadienne bien fou. Assurément lentement, car à se précipiter, les mecs deviennent fous. Aux gens que j'aime à des degrés plus ou moins forts, vous compreniez que j'ai tantôt besoin d'être seul, tantôt besoin d'être prêt. Franchement, Bérangère, qu'est-ce qui vaut mieux? Revenir des Seychelles en plein hiver, tout bronzé, et se promener au volant de sa petite mini, ou raser les murs du métro, mort de trouille comme Rachida, la bonne de Clara, que ses enfants adorent. Parce que si elle se fait choper par la police sans ses papiers, on la renvoie dans son pays. Mais je vois pas le rapport. Ah, ça m'étonne pas. On va passer un contrat à tous les deux, tu veux bien? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, et ben c'est de fermer ta gueule. Calme-toi. Mais il faut parler comme ça. Je suis Swan, s'il te plaît. Pourquoi chaque fois que quelqu'un parle avec un minimum de sincérité, tout le monde le trouve dingue? Les rêves ne se font pas interner, ils rêvent les yeux ouverts, point fermé. De toute façon, les rêves ne se font pas interner, ils rêvent les yeux ouverts, point fermé. À longueur d'année, on joue sur la sémantique. Si le PCC est marxiste, alors nous aussi on sait mentir. À rivaliser d'hypocrisie, on se complète en strip. Sous le signe de la plaisanterie, on rejoue les trahisons des scènes antiques. Je suis pas pessimiste, traîne en ville. Les comportements sont névrotiques, très cyniques et mercantiles. Les thèses s'empilent, l'argent suit son cours. Les gens y pressent après le système, mais au fond ils sont pour. Je passe de là nos coques, nos parents ne remplaceront pas nos profs. Et vice versa, mais les opposés se renvoient à l'opprobre. Marseille versus Versailles, c'est un autre ordre. Crache ta rage sur un panneau de pub, c'est pas comme ça que Crésus perd ça. Si ça te soulage, toi fais le vandale. Moi j'aime autant me répéter 100 fois dans ma tête, baisse les devins d'elle. D'ici 2-3 ans j'entends entamer une palinodie. Donc dans 4, si tu me croises, mets-moi une mandale. Les rapports sont manichéens, la faute d'Akira Toriyama. Si c'est tendance de se faire greffer le cul et les seins Ariana, tu penses, ils ont que ça en tête, les beaux. L'idée cliché n'invente rien, tu te trouves en tête des vents. Avec des si, je mettrais pas la manteille. Je ferais organiser des convois pour un colcos avec deux chavannes en tête, virgule. Supprimer la Saint-Valentin, ainsi que tout ce dont j'ai précédemment fait l'inventaire. Et si mon succès sera posthume, on pourra dire de queuse, il n'a pas accepté d'enfiler le costume de l'imposture. Hippie, toaster, voilà pourquoi on me prend. Mais ils savent pas que je m'en amuse à être le seul à me comprendre. D'ailleurs ils croient que j'en ai pas rien à foutre de leur donner du grain à moudre. Ils se noieraient dans un dé à coudre. De qui je parle occupe leur calflow, qui approvisionne l'amateur de lexical salto. Si le temps c'était réellement de l'argent, putain je serais pété de thunes. Mais on le perd tous plus ou moins à se faire baisser le fut, ou entendre nos mères se faire traiter de pute. Tu l'as pris mal, use de tes glandes lacrymales, c'était le but. Tout le monde adore Bérangère parce qu'elle est nature. Ce sont des eaux naturelles, à ce stade-là ça porte un nom. C'est de la connerie, non? Tout le monde est fait, personne ne l'a jamais dit. Allons, Bérangère, allons. Bérangère. Putain, tu me meubles. Qu'est-ce qui se passe? Non, dis-nous la vérité. La vérité? Mais je viens de vous la dire, la vérité. Mais ça fait mal. Elle tâche et éclabousse, la vérité, hein? C'est ridicule de prétendre que l'argent fait pas le bonheur, c'est l'hypocrisie, c'est l'alibi d'une antille. Je vais vous dire, celui qui a dit ça était un aimable fils de pute, qui a jamais su ce que c'était que le manque de fric. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Je maintiens que ce connard a jamais connu l'angoisse de pouvoir refuser sa carte bancaire dans un supermarché avec la caissière qui jette sa clochette. Ah, est-ce que t'as connu ça? Écoute, si t'as un problème d'argent, t'as qu'à nous en parler. Ah, t'es gentil, mon pote, mais je pense. Puis si j'avais des problèmes de fric, c'est certainement pas à toi que j'irai en parler. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est le regard des types comme toi. D'avoir enfin une voie d'action à se mettre sous la dent pour conjurer la platitude de leur petite fille. Alors moi et ma petite fille, on t'emmerde. Oh. Non, ça va, là? Arrêtez, là. Moi aussi, je t'emmerde. Comme je merde tous ceux qui, tout petits déjà, avaient toujours la bonne gomme, le bon cahier à l'école. Toujours le bon forfait, le bon bonnet en classe de neige. Parce que c'est dans vos gènes d'être irréprochables.